Le Monde. Invité Monsieur Robert Hue, secrétaire national du Parti communiste. Le débat est dirigé par Jean-Pierre Defrat. Monsieur Robert Hue, bonsoir. Bienvenue au grand jury RTL Le Monde, grand jury